Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Mettez-moi à Jaja, non, non, pas fait j'ai et puis moi, non, non, arrêtez menti bon moi, non, non, panique, sans vous faire Jaja. Mettez-moi à Jaja, non, non, pas fait j'ai et puis moi, non, non, arrêtez menti bon moi, non, non, panique, sans vous faire Jaja. Où l'as-tu, n'a allant tout moi, criez-moi, chéri doute tout moi, vous mettez moi, ça vous fait qu'est bon moi, ça vous fait pas bon moi. Non, ou kati, ou envie check moi, nos parties, pardon ou pas loin, ou les faits, tiens, tiens, et puis moi, jouer, et puis moi, ah, ouais, savent où les profiter, profiter, moi, savent c'est pour amuser, amuser, moi, savent où les profiter, profiter, moi, savent c'est pour amuser, mettez j'ai et puis moi, non, non, arrêtez menti bon moi, non, non, on panique, c'est temps pour que j'en j'en. Mettez-moi à j'en j'en, non, non, pas fait j'ai et puis moi, non, non, arrêtez menti bon moi, non, non, on panique, c'est temps pour que j'en j'en. J'en j'en, ça c'est j'en j'en. Pas qu'à confondre, pas m'en déroyant. Moi, pas qu'à fréquenter Book, qu'à mettre fromage et jen. Qui sort pas qu'à confondre, moi, pas m'en déroyant. Qui sort pas qu'à confondre, pas d'une déranger moi. Ou pète chatché si ou l'est. Moi, j'avoue qu'il mounouille. Tiens, tiens, ça c'est tiens, tiens. Tiens, tiens, n'y a trop tiens, tiens. Tiens, tiens, ça c'est tiens, tiens. Mettez-moi à tiens, tiens. J'ai et puis moi, j'ai arrêtez menti bon moi, non, non, panique, c'est temps, qu'est-ce que j'en j'en. Mettez-moi à j'en j'en, non, non, partagez et puis moi, non, non, arrêtez menti bon moi, non, non, panique, c'est temps, qu'est-ce que j'en j'en. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groove Tropical avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. C'était Pearl Lama avec un tout nouveau titre que c'est. Du soleil à gogo tout l'après-midi, mais aussi, moi je vous propose de décrocher la lune avec Mademoiselle Gicane. Groupe Tropical, 15h, 17h, c'est Chantal qui vous accompagne. Hey! jolie, toi et moi. Ce soir, il faut que l'on se voie. J'ai succombé la première fois. Faut le savoir, tu es mon cœur. Je te laisse le choix. Pourquoi, comment, l'heure et l'endroit. Laisse-toi aller. Everything Groupe tropical, c'était une petite séquence Guyane avec Olivier Duret. On est bien finalement sur le 96.2. D'ailleurs, on va continuer comme ça encore quelques petits instants. Là, cette fois-ci, c'est Saint-Clin, carrément, parce que c'est des spécialistes du Grand Guyane. Puis après, je vous promets de très très belles nouveautés, dont le tout dernier T-Vice. Vous allez voir, ça déchire comme on dit. C'est sorti tout juste cette semaine d'ailleurs. Allez, 15h-17h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne.

les jours nous faire l'amour. C'était quand now. armes aussi. Quelle blesse il cache des vies, crée des mots et des larmes aussi. Notre amour doit passer au-dessus de ça. La jalousie ne doit plus être notre combat. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Votre émission groupe tropical, le tout dernier duo de Jim Rama avec Angèle. J'aime bien les petites nouveautés comme ça. Ah là là, les titres qui vous ont fait danser tout l'été. Groupe tropical à 15h, 17h. entière. Oh, oh, oh. Tu es mon soleil, ma raison d'être. Tout au fond de moi, j'ai l'impression de renaître. J'ai le sentiment de te connaître. Depuis, j'ai dans la poitrine comme le tempo minime. J'ai dans la poitrine comme le tempo minime. J'ai dans la poitrine comme le tempo minime. depuis une toute petite semaine. C'est le tout dernier Cubice, monsieur Martineau, et accompagné pour l'occasion de mademoiselle Félicia Roth. Ah, je vous l'avais dit, c'est une. Elle aussi, d'ailleurs. Il n'y a pas que le titre. Pas si vous avez vu le clip, en tout cas, je vous conseille d'aller le voir parce que là, c'est très hot. 96.2, Radio Arc-en-Ciel, à Groupe Tropical, jusqu'à 17h. C'est Chantal qui vous accompagne. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Premier peuple noir qui libéré, et toi nous passons la pierre, nous devons changer mentalité. Monsieur le dirigeant, monsieur l'opposition, ouais, Haïti en chante. Problème sécurité, blackout de tous côtés, chômage à richesse, on n'y a pas qu'à fonctionner. Petit idiot, à pétusier, l'étranger, petit sang, et tu n'as pas même qu'à l'école. La fille casse l'état, serré la jeune là-bas. Gardez qui je n'ai que méchant. Ah oui, monsieur le méchant.

Ça fouette et mon canton. C'est vrai qu'il y a toujours apprécié. vie en vie en vie ne comprend. Faut nous t'étracer chimé avant nous t'éjoindre. Peut-être nous porter assez mati pour affronter la vie, pour qu'elle meilleure en bas la pluie. Tapis ou là, mais j'apaisse vite. Doucement, en tout cas doucement, baby, doucement, oui, très doucement. Mwen ke manke delikates Ba wi pe jeni ase Abrite wan bazel lan mwen Si tan la ka menase Douceman, an tou ke douceman Baby, douceman Pasan ke outreman Yen ki lese la vi fe sa yi fe Ou a man yen pe pa yi fe Non, non, non, non, non Je t'aime un peu beaucoup Peut-être passionnément J'aime la folie, tout simplement. Quand il a pu m'y faire tomber, si je veux en boire, pour longtemps, pour longtemps. Ok, voler, voler, voler. Superbe hommage à Gilles Fleurot de la part de Jean-Claude Nemo. J'aime beaucoup, c'est sorti il y a, je sais pas, un petit peu plus d'un mois, en tout cas, ben, ça fait l'effet d'un grand, grand succès. Bien, on va continuer comme ça, mais cette fois-ci, ah non, non, non, pas ça, je suis un petit peu perturbée, ça m'a mal, allez, ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai eu une émission un petit peu bizarre. Pour tout vous raconter, c'est qu'à un moment j'ai eu une grosse frayeur, c'est qu'on a eu une coupure d'électricité. Ça n'a pas duré longtemps, mais le temps de tout remettre en route. J'ai eu le temps de paniquer. Allez, très très bon après-midi jusqu'à 17h, c'est Chantal qui vous accompagne. Chitaï, en tout cas ils l'ont bien fait. Est-ce que je peux vous dire que ta carte en aussi un sub pour cet été dans les valises. Allez, séquence souvenir jusqu'à 17h avec le meilleur du compas et du compas direct. Ben oui, le groupe Design dans les années 2000 à peu près. Je vous propose tout de suite de les retrouver avec un titre en live. Sans même. Allez, on va s'en payer une bonne tranche. Écoutez ça. Yeah. Tudo Bayon président. Michel Adéry. Si je viens m'enlever, à la rencontre d'un haïtien, parce que ton liberté, ton assis et ton travail, la taille a fait passer, ça, ça y est. pour changer. Pays, c'est pour nous lier. On protéger ta palais. Pour ça, jouer une solution. Mettez l'école. Bâtir l'hôpital. Bâtir l'hôpital. Gérer la justice. Pour nous vivre dans la paix.

Sur le 96.2 Orléans et puis groupe tropical, et bien c'est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, même heure, même endroit, même soleil, avec toujours le meilleur, la musique qui nous vient de la Caraïbe. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Get up and... avec l'homme qu'on appelle Claude Novan. Yeah, yeah, yeah. La France spéciale dédicace aux toutes fanatiques qu'on parue, chérie. Yo dis comme ça, n'est-ce pas qu'on danse? Dolo! Et ben, on quitte au palais. Nous pâtis. Oui. Aïe, aïe, aïe. Chérie, y'a qu'à Tobina. Allo, Titi! ça. Un zéro pour Haïti. Laisse ça. Maintenant, je te laisse la place. On va voir ce que le Congo va faire. Écoute, écoute bien. Ok, nous pas dit que tout est dans nous pas dit que tout est. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur.